Les abeilles sont parmi les créatures les plus importantes, les plus anciennes et les plus sophistiquées de toute la nature. Elles existent depuis environ 100 millions d'années et ont accompagné l'évolution des plantes à fleurs depuis leur apparition. Leur contribution à la biodiversité terrestre, à la production alimentaire et à la survie de nombreuses espèces dépasse largement leur petite taille. Ce dossier encyclopédique présente l'ensemble des connaissances essentielles et approfondies sur les abeilles, leur histoire, leur biologie, leur comportement, leurs rôles écologiques et leurs relations avec l'être humain. Les abeilles descendent de guêpes prédatrices qui vivaient durant le Crétacé. Lorsque les plantes à fleurs ont commencé à produire du nectar, certaines guêpes ont modifié leur alimentation et se sont adaptées au prélèvement du nectar et du pollen. Au fil du temps, leur morphologie s'est transformée, leur langue s'est allongée, leur système digestif s'est spécialisé, leurs pattes ont développé des brosses à pollen. Ainsi sont nées les premières abeilles. Les fossiles trouvés dans l'ambre montrent des abeilles déjà très semblables aux espèces modernes. Leur adaptation à la pollinisation les a rendues indispensables à la reproduction de nombreuses plantes. Il s'agit d'une coévolution parfaite. Les fleurs attirent les abeilles par leurs couleurs, leurs odeurs et leur nectar, et les abeilles assurent la reproduction des plantes. Il existe environ 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Elles vivent pratiquement sur tous les continents, sauf en Antarctique. Leur diversité est immense. Certaines mesurent à peine 2 mm, tandis que d'autres, comme l'abeille de Wallace, atteignent 4 cm. Parmi les grandes familles, on retrouve les abeilles domestiques élevées par l'homme, les bourdons robustes et velus, les abeilles charpentières qui creusent des galeries dans le bois, les abeilles coupeuses de feuilles qui taillent des morceaux d'arbres pour fabriquer leur nid, les abeilles solitaires qui ne vivent pas en colonie, les abeilles sandares élevées en Amérique du Sud. La grande majorité des espèces sont solitaires. Seules quelques dizaines d'espèces vivent en colonies organisées comme l'abeille domestique. Le corps de l'abeille est divisé en trois segments, la tête, le thorax et l'abdomen. La tête contient deux grands yeux composés formés de milliers de facettes qui détectent les mouvements rapides et la lumière ultraviolette. Trois petits yeux supplémentaires, appelés ocelles, mesurent l'intensité lumineuse. Les antennes permettent de percevoir les odeurs, les vibrations, l'humidité, et même le champ électromagnétique. La langue allongée aspire le nectar. Le thorax abrite les muscles des ailes. Les deux paires d'ailes peuvent battre jusqu'à 200 fois par seconde. Les trois paires de pattes possèdent des brosses et des corbeilles pour transporter le pollen. L'abdomen contient les glandes à cire, les organes respiratoires, le système digestif et, chez les femelles, le dard. Le cerveau d'une abeille est minuscule, mais il est extrêmement puissant. Les abeilles sont capables de reconnaître des visages humains, de compter jusqu'à 4, de comprendre le concept de zéro, de mémoriser des trajets complexes et de résoudre des problèmes. Elles possèdent une mémoire exceptionnelle et peuvent reconnaître leur ruche parmi des dizaines d'autres. Les abeilles sont également capables de prendre des décisions collectives en évaluant des informations sensorielles complexes. Leur navigation repose sur la position du soleil, la polarisation de la lumière dans le ciel, le champ magnétique terrestre et les repères du paysage. La vie d'une abeille dépend de sa caste. L'ouvrière met 21 jours à se développer, le faux bourdon 24 et la reine 16 jours seulement. Les ouvrières vivent environ 40 jours en été, alors que la reine peut vivre 4 à 5 ans. La ruche est une société parfaitement organisée. Les ouvrières effectuent des rôles différents selon leur âge. Nettoyage, nourrissage, construction, ventilation, protection et butinage. La reine pond les œufs et les faux bourdons fécondent les reines vierges. Les abeilles sont responsables d'un tiers de l'alimentation humaine. Elles transportent le pollen d'une fleur à l'autre, permettant la production de fruits et de graines. Sans abeilles, les écosystèmes s'effondreraient. La disparition totale des abeilles sur Terre serait l'un des plus grands bouleversements écologiques, agricoles et humains de l'histoire. Les abeilles sont responsables de la pollinisation de milliers de plantes sauvages et de très nombreuses cultures alimentaires. Sans elles, le monde se transformerait profondément, mettant en danger la stabilité des écosystèmes et l'approvisionnement alimentaire humain. Voici le scénario complet de ce qui arriverait si les abeilles venaient à disparaître. Les abeilles assurent la pollinisation de 75% des plantes à fleurs. Si elles disparaissaient, de nombreuses cultures chuteraient immédiatement. Les pommes, les poires, les bleuets, les fraises, les framboises, les cerises, les prunes, les pêches, les mangues, les avocats, ainsi que les courges, les concombres, les melons, les poivrons et les tomates. Des cultures comme les amandes, le café, le cacao, le soya et l'huile de canola seraient gravement affectées. Les plantes fourragères comme le trèfle et la luzerne diminueraient, réduisant l'alimentation des vaches, chèvres, moutons et chevaux. Les oiseaux souffriraient rapidement. Moins de fruits, moins de baies, moins d'insectes à nourrir à leurs oisillons. Les mammifères comme les cerfs, les ours et les primates perdraient leur source naturelle de nourriture. Les insectes pollinisateurs restants ne pourraient pas remplacer la quantité de travail effectuée par les abeilles. Année 1 et 2, chute de la production alimentaire, hausse des prix, pénurie. Année 3 à 5, crise alimentaire mondiale, disparition progressive des fruits, réduction drastique des légumes frais, augmentation du prix des produits laitiers, rareté de la viande. Année 5 à 10, effondrement d'industries entières liées à la pollinisation, à la cosmétique, à la phytothérapie et à l'agriculture. Année 20, transformation totale des paysages, disparition des vergers, déclin des prairies, réduction de la biodiversité. Certaines plantes survivraient grâce à la pollinisation par le vent, les papillons et les coléoptères, mais ce serait insuffisant pour maintenir les niveaux de production actuels. Les céréales comme le maïs, le riz et le blé continueraient d'exister, mais le monde deviendrait beaucoup plus pauvre en aliments d'origine végétale diversifiée. Sans abeilles, il n'y aurait plus de miel, de cire, de propolis, de gelée royale ni pollinisation organisée. L'apiculture disparaîtrait complètement, emportant avec elle des traditions millénaires. Avec la disparition de nombreuses plantes à fleurs, la terre absorberait moins de dioxyde de carbone, ce qui accélérerait les changements climatiques. L'érosion du sol s'intensifierait, les forêts perdraient leur diversité et la désertification progresserait. Le monde deviendrait plus pauvre, moins de fruits, moins de couleurs, moins de biodiversité. L'humain survivrait, mais dans un environnement transformé, appauvri et instable. La disparition des abeilles entraînerait un effondrement de nombreux écosystèmes et une perte considérable de ressources alimentaires. Les abeilles sont les jardinières essentielles de la Terre. Leur présence permet la survie de millions d'espèces. Leur disparition ne serait pas la fin d'humanité, mais la fin d'un monde fertile, abondant et harmonieux. Protéger les abeilles, c'est protéger la vie. Les abeilles communiquent grâce à plusieurs méthodes. La danse en huit, les phéromones, les vibrations, le toucher des antennes et les sons. La danse en huit indique la direction et la distance d'une source de nourriture. La danse en huit, appelée aussi danse frétillante ou waggle dance, est l'un des comportements les plus extraordinaires du monde animal. C'est un langage complet, symbolique et précis, utilisé par les abeilles pour indiquer à leurs compagnes l'emplacement exact d'une source de nourriture, d'eau ou d'un nouveau site pour une ruche. Une butineuse exécute une danse en huit lorsqu'elle découvre une source exceptionnelle de nectar, de pollen ou d'eau. La danse sert à mobiliser les butineuses vers un lieu réellement avantageux. La danse comprend trois éléments, la ligne vibrée centrale, le demi-cercle gauche et le demi-cercle droit. L'angle du corps pendant la ligne vibrée représente la direction de la ressource par rapport au soleil. La durée de la vibration indique la distance. Une seconde de vibration équivaut environ à un kilomètre. La vigueur et la rapidité de la danse indiquent la richesse du nectar. Les ouvrières touchent la danseuse avec leurs antennes, goûtent le nectar rapporté et mémorisent les indications avant de décoller. La danse est extrêmement précise. Les abeilles trouvent la source à quelques degrés près. La danse en huit est un chef-d'œuvre d'évolution, un langage, un GPS et un outil de survie collective. Les gardiennes protègent la ruche contre les intrus. Elles vérifient l'odeur de chaque abeille et repoussent les intrus. Elles émettent une phéromone d'alarme en cas de danger. Elles se battent parfois jusqu'à la mort. Les faux bourdons sont les mâles de la ruche. Ils ne travaillent pas, mais jouent un rôle essentiel en fécondant la reine. Leur destin est tragique. Ils meurent après l'accouplement et sont expulsés à l'automne. Certaines abeilles consomment du nectar fermenté et perdent leur coordination. Les gardiennes les empêchent d'entrer pour éviter les accidents. Les gardiennes sont les protectrices de la ruche. Elles se tiennent à l'entrée, prêtes à défendre la colonie contre tout intrus. Leur premier rôle est de vérifier l'odeur de chaque abeille qui revient. Chaque ruche possède un parfum unique, transmis par la reine, et les gardiennes s'assurent que seules les abeilles portant cette odeur peuvent entrer. Elles protègent aussi la ruche contre les guêpes, les frelons, les fourmis, les souris et les abeilles étrangères qui tentent de voler le miel. Elles régulent également le trafic des abeilles qui sortent et entrent, et déclenche une alerte si un danger se présente. La sécurité de la ruche repose sur l'efficacité des gardiennes. Elles détectent les menaces à l'aide de leurs antennes et de leurs sens très sensibles. Lorsqu'un danger approche, elles libèrent une phéromone d'alarme qui appelle immédiatement des renforts. Les gardiennes incarnent la première ligne de défense et veillent à la stabilité de la colonie. Il arrive que certaines abeilles consommant du nectar fermenté provenant de fruits trop mûrs ou de fleurs chauffées par le soleil. Ce nectar contient de l'alcool naturel. Lorsqu'une abeille en consomme, elle peut devenir désorientée, mal coordonnée et perdre sa capacité à voler correctement. On dit alors qu'elle revient à la ruche saoule. Une abeille ivre représente un risque énorme pour la ruche. Elle zigzague, tombe, se cogne et peut renverser le miel ou les alvéoles. Elle dégage aussi une odeur étrange que les gardiennes identifient comme suspecte. Comme elles doivent protéger 40 à 60 000 abeilles, les gardiennes n'ont pas la possibilité de prendre des risques. Une abeille qui est ivre peut introduire une perturbation ou une maladie, ou attirer des prédateurs. Par instinct de survie collective, elle la repousse, la morde ou la pique jusqu'à la tuer. La ruche fonctionne selon une organisation stricte. Chaque abeille doit être parfaitement efficace pour que la colonie survive. Une abeille désorientée met en danger la structure. Les gardiennes agissent donc selon une logique implacable. Protéger la ruche avant tout, même au détriment d'une seule abeille. C'est ainsi que la colonie conserve son équilibre et sa force. Les jeunes abeilles produisent la cire grâce à des glandes spéciales. Elles bâtissent des alvéoles hexagonales, forme idéale pour la solidité et le stockage. Elles maintiennent la ruche à une température constante autour de 35 degrés. Lorsque la ruche devient trop pleine, la colonie se divise. La vieille reine part avec une partie des ouvrières pour fonder une nouvelle ruche. C'est l'essaimage. Les abeilles sont menacées par le varroa, les pesticides, le changement climatique, la perte d'habitat et les maladies. Dans certaines régions, 40% des colonies disparaissent chaque année. Les abeilles soutiennent les écosystèmes. Elles permettent la reproduction des plantes, nourrissent les animaux et participent à la stabilité de la planète. Le miel est un produit naturel fabriqué à partir du nectar. Il est antibactérien, cicatrisant, antioxydant et se conserve indéfiniment. Le miel médical est utilisé pour guérir les plaies, les ulcères et les brûlures. Les abeilles sont au cœur de la vie sur Terre. Leur intelligence, leur organisation et leur importance écologique en font des créatures indispensables. Chaque cuillère de miel est le résultat du travail incroyable d'une colonie unie et dévouée. Une cuillerée de miel paraît minuscule dans un pot, mais pour les abeilles, c'est un exploit gigantesque. Chaque goutte représente des milliers de fleurs visitées, des centaines de voyages, et le travail combiné d'un petit groupe d'ouvrières. Une butineuse effectue en moyenne entre 5 et 15 voyages par jour. Dans des conditions idéales, certaines peuvent atteindre 40 à 50 voyages dans une seule journée. À chaque voyage, une abeille visite généralement entre 50 et 100 fleurs, selon la richesse du champ. Pour produire une livre de miel, les abeilles doivent visiter environ 2 millions de fleurs. Une cuillerée à thé de miel pèse environ 7 grammes. Comme une livre contient 454 grammes, on estime qu'il faut environ 30 000 fleurs pour produire une seule cuillerée de miel. Si une abeille visite environ 75 fleurs par voyage, il faut à peu près 400 voyages pour atteindre les 30 000 fleurs nécessaires. Autrement dit, une cuillerée de miel représente environ 400 allers-retours d'abeilles entre la ruche et les fleurs. Une abeille ne peut pas accomplir seule 400 voyages. Elle ne butine intensivement que pendant une dizaine de jours, à raison d'environ 10 voyages par jour. Au total, une butineuse accomplira environ 100 voyages dans toute sa carrière. C'est pourquoi plusieurs abeilles doivent travailler ensemble pour produire une seule cuillerée de miel. On estime qu'une abeille produit environ un douzième de cuillerée à thé de miel au cours de sa vie. Ainsi, il faut le travail d'une douzaine d'ouvrières, chacune travaillant jusqu'à sa limite, pour fabriquer une seule cuillerée de miel. Une cuillerée de miel est un trésor. Elle représente la visite de 30 000 fleurs, 400 voyages, et la vie entière d'une équipe d'abeilles. Chaque goutte est un hommage à leur dévouement, leur organisation et leur persévérance.